Je vais essayer de parler de la construction des normes de la science et ce que je vais essayer de dire en français aujourd'hui, c'est quelque chose qui à la fois va être centré sur Kuhn et à la fois l'un des objectifs que je me suis assigné ou qui m'ont été assignés, c'est de sortir un peu de Kuhn pour essayer de réfléchir sur comment on construit des normes en science actuellement, probablement avec la leçon de Kuhn, c'est-à-dire que Kuhn a eu une influence décisive, mais sans nécessairement restreindre mon analyse à ce que Kuhn propose sur la science. L'autre point, c'est que j'ai été très intéressé par les questions, qu'elles sont extrêmement vastes, comme je l'ai dit tout à l'heure à Guylaine et Julie, ce qui est très très bien. Ça veut dire que certaines trouveront des fragments de réponses dans ce que je vais dire, en tout cas c'est ce que j'espère. Pour d'autres, évidemment, il y aura des... seule la discussion pourra éventuellement permettre de clarifier certains des points donc, qui ont été mentionnés dans le petit texte qui m'avait été envoyé. Alors le problème que je veux poser est extrêmement large et vous allez voir que je vais essayer de le restreindre petit à petit et même dans un instant en prenant une étude de cas qui concerne l'immunologie qui est mon domaine de spécialité en philosophie des sciences. Le problème très généralement posé c'est celui de savoir quel rôle jouent les normes en sciences. Et ça, ça a un double sens. En quel sens les sciences constituent-elles des activités normées? Et puis, en quel sens les sciences constituent-elles des activités normatives? Donc ça, ça a été très bien posé par Guylaine tout à l'heure. L'idée, évidemment, c'est de dire que les sciences elles-mêmes peuvent être le produit de normes, et puis les sciences elles-mêmes peuvent générer des normes, elles peuvent être prescriptives de normes. Cette prescription de normes se fait à plusieurs niveaux. Vous pouvez avoir des sciences qui vont prescrire des normes pour elles-mêmes. Il y a une bonne manière de faire de la physique. Vous avez des sciences qui peuvent être prescriptives de normes pour d'autres sciences de la nature. Typiquement, les biologistes souvent se posent la question de savoir si la science qu'ils font est au niveau de la physique. Est-ce que c'est suffisamment scientifique pour être comme la physique? Et puis, vous avez aussi les sciences humaines et sociales, par exemple, qui très souvent se posent la question de leur scientificité en cherchant des normes ailleurs que dans leur propre champ. Alors là, un cas exemplaire, c'est Émile Durkheim. C'est Émile Durkheim qui construit sa sociologie sur le modèle de la physique. C'est explicitement le cas dans les règles de la méthode sociologique dès les premières pages. Donc, ce qui va m'intéresser ici, plus que les normes en sciences, c'est la construction des normes en sciences. Comment les normes sont-elles construites en sciences? Comment sont-elles modifiées? Et éventuellement, comment sont-elles abandonnées? Comment, à un moment donné, on peut arriver à dire, finalement, cette norme, elle n'est pas si bonne que ça, pas si satisfaisante que ça, et on va essayer de faire autrement de la science. Alors, une application importante de la question des normes en sciences, c'est la question du choix interthéorique, c'est-à-dire le choix entre théories. Comment on fait à un moment donné quand on a deux théories, et éventuellement plus, mais souvent quand on a deux théories concurrentes, comment on fait pour décider quelle est la meilleure? Est-ce que c'est possible de faire ça? Alors, je pars d'une étude de cas, simplement parce que j'ai l'habitude de faire ça, juste pour centrer les questions sur un exemple. Mon intention première, c'était de développer bien plus cet exemple. En réalité, je ne le ferai pas, mais si éventuellement dans les questions vous le souhaitez, on pourra reparler de cette étude de cas prise en immunologie. Ce qui m'intéresse surtout, en fait, avec cette étude de cas, c'est de vous montrer un exemple en biologie, qui n'est pas exactement la science sur laquelle Kuhn s'est penché. C'est-à-dire, ce que dit Kuhn sur la biologie est très, très, très sommaire, parce qu'il n'était pas formé dans ce domaine. Et je pense que ça a des conséquences sur sa manière de concevoir la science, le rapport à l'histoire des sciences, etc., etc. Donc, de prendre un cas en biologie. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous allez voir que le cas que je vais prendre en immunologie est un cas dans lequel les gens parlent en termes kuhniens. C'est-à-dire les gens ont posé leur problème en termes kuhniens, en disant « comme l'a montré Kuhn, on va essayer de renverser un paradigme ». C'est ça qui m'intéressait de vous montrer ici. Alors la question qu'il s'agit de poser ici est extrêmement simple. Qu'est-ce qui déclenche une réponse immunitaire destructrice de la part du système immunitaire? Et pourquoi? Donc on sait que des bactéries, des virus, des greffes, des parasites, etc., des cancers, peuvent provoquer des réponses immunitaires. Ça, on sait. Mais la question est de savoir... quand est-ce qu'il y a une réponse immunitaire qui est déclenchée? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une réponse immunitaire qui est déclenchée? Alors ça paraît extrêmement simple comme question, c'est relativement simple. En fait, la réponse est extrêmement difficile. Pourquoi est-ce que la réponse est extrêmement difficile? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les termes sont tous ambigus dans la question qui a été posée ci-dessus. Quand on dit réaction immunitaire, en fait, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Enfin, on a des idées, mais on ne sait pas de manière consensuelle dire ce qu'est une réaction immunitaire. Pareil pour le terme de réponse immunitaire. Pareil pour le terme souvent très utilisé de tolérance immunitaire. Même une tumeur, on n'a pas de définition totalement consensuelle sur ce qu'est une tumeur. Et pareil pour ce qu'est un rejet, pour ce qu'est le système immunitaire, etc., etc. Deuxième problème, qui paraît un petit peu étrange vu de l'extérieur, c'est que les données ne permettent pas de trancher. Les données ne permettent pas de trancher entre différentes théories. Ça ne veut pas du tout dire que les théories sont inefficaces, ça ne veut pas du tout dire qu'on n'arrive pas à accumuler des données en immunologie, certainement pas. Ça veut dire que décider entre deux théories sur la base d'observations est en fait souvent très très difficile. On a plusieurs réponses en présence actuellement, plusieurs théories qui sont proposées. Les deux théories très fortes sont la théorie du soi et du non-soi et la théorie du danger, dont je vais dire un mot immédiatement. Donc la question, c'est de savoir selon quelles normes scientifiques le choix entre différentes théories peut-il être effectué. Et la réponse, c'est que ce n'est pas si évident que ça d'établir ces normes. Donc, l'étude de cas posée en termes kuhniens, c'est celle-ci. C'est un texte de Fuchs, Ridge et Matzinger qui sont en fait les partisans de la théorie du danger. Donc, la théorie dominante en immunologie, c'est la théorie du soi et du non-soi. C'est le paradigme dominant, si on veut parler en termes kuhniens. Et il se trouve qu'à partir de 1994, il y a une immunologiste assez rebelle qui dirige un labo qui s'appelle le Laboratoire Fantôme aux États-Unis, mais qui est un labo de très très haute qualité scientifique. Et elle a proposé une autre théorie en disant, en fait, ce qui déclenche une réponse immunitaire, ce n'est pas le non-soi, c'est-à-dire ce n'est pas le fait que quelque chose d'étranger pénètre dans votre organisme, c'est le danger. C'est quand il y a du danger. Il peut y avoir du non-soi qui n'est pas dangereux, il peut y avoir du soi qui est dangereux. Et vous pouvez très bien avoir quelque chose qui vient de vous-même, mais qui est dangereux, ça va faire une réponse immunitaire. Exemple, le cancer. Et vous pouvez très bien avoir quelque chose qui est du non-soi et qui ne va pas déclencher une réponse immunitaire. Exemple typique, les bactéries qui colonisent votre intestin. Hein, vous savez probablement que derrière votre enveloppe corporelle, il y a 90% de bactéries et 10% de cellules avec un noyau, c'est-à-dire des cellules eucaryotes, qui sont les cellules dites du soi habituellement. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de choses étrangères dans chacun de nous. Et une suggestion de la théorie du danger, c'est que si vous opposez le couple danger-pas danger, vous faites des explications meilleures que si vous opposez le couple soi-non-soi. Donc voilà comment Matzinger présente en 1996, plutôt au début de la suggestion de sa théorie, sa manière de voir les choses. Environ deux millénaires avant Copernic, Aristarque, donc il s'agit d'Aristarque de Samos, a proposé un modèle héliocentrique pour expliquer le mouvement des planètes. Pourquoi est-ce que cette explication d'Aristarque de Samos a-t-elle été ignorée? La suggestion de Thomas Kuhn était qu'à cette époque, il est fort probable qu'il n'y ait pas eu d'insatisfaction générale avec le paradigme régnant, c'est-à-dire le paradigme géocentrique, comme ça a été dit tout à l'heure. Et en conséquence, il n'y avait aucune raison d'abandonner ce modèle. Lorsque Copernic a proposé sa version, le mouvement des planètes ne pouvait plus facilement être expliqué par la conception selon laquelle la Terre était au centre. Et la communauté intellectuelle était prête, cette fois, pour une nouvelle idée. Pendant cette période de pratiquement 20 siècles, il y avait eu beaucoup de découvertes qui ne collaient pas avec le paradigme dominant, mais la plupart d'entre elles ne furent pas reconnues comme telles. Et en ce sens, elles sont des exemples de ce qu'on appelle le phénomène de rétro-récognition, c'est-à-dire un phénomène par lequel des anomalies claires dans un paradigme ne sont reconnues seulement après coup, comme des anomalies. Et Matzinger et collègues disent à propos du système immunitaire, pourquoi est-ce que les découvertes qui constituent des anomalies et qui sont en train, eux, de lister dans leur article, pourquoi ces anomalies ont-elles eu si peu d'impact face à la théorie du soi et du non-soi qu'ils sont en train de critiquer? Peut-être que c'était un autre cas de rétro-récognition. Les découvertes, simplement, ne collaient pas avec le paradigme qui avait trouvé son soutien, sa fondation la plus forte initiale dans les expériences sur la tolérance néonatale originale. Il n'y avait pas de modèle alternatif pour rendre compte de ces données. Alors, c'est un texte un peu long qui simplement a pour objectif de mettre en évidence un certain nombre de points. D'abord, on a, de manière un peu caricaturale, l'appel à Copernic. Ça, les scientifiques font ça très, très, très fréquemment. Si vous voulez vendre votre théorie, vous faites un petit coup de Copernic et ça marchera beaucoup mieux. Donc là, on a ça, on a Matzinger comme Copernic. Et très souvent, elle a dit qu'il s'agissait de faire une révolution copernicienne en immunologie. C'est vraiment un vocabulaire qui est très, très présent. D'autre part, on a l'idée que les anomalies existent dans un paradigme, existent toujours, mais elles sont mises sous le tapis, elles sont mises de côté. Et on va avoir les anomalies qui vont véritablement être considérées comme des anomalies problématiques que lorsque un nouveau paradigme va émerger. Et c'est ce que dit Matzinger sur ce cas-là. Ça, il y a longtemps qu'on savait que la théorie du soi et du non-soi ne marchait pas, mais on a pu voir qu'elle ne marchait pas vraiment qu'à partir du moment où moi, Matzinger, j'ai proposé une nouvelle théorie, la théorie du danger. Alors d'autre part, une chose qui m'a semblé intéressante, c'est le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un cas en biologie, et que je crois qu'une des choses qui sont susceptibles d'être intéressantes dans ce séminaire, c'est de voir les liens entre sciences de la nature et sciences humaines et sociales. Et je pense que si la biologie était plus souvent utilisée comme un exemple de sciences de la nature, la main serait plus facile à tendre avec les sciences humaines et sociales. Il y a énormément de caractéristiques de la biologie qui rapprochent les sciences de la nature comme la biologie des sciences humaines et sociales, alors que quand on prend le modèle de la physique, qui est très souvent caricaturé, mal compris, etc., on a l'impression qu'on est aux antipodes des sciences humaines et sociales. Donc certains exemples que je prendrai aujourd'hui tendront à montrer qu'il y a énormément de points communs entre les SHS et certaines sciences de la nature, comme la biologie, la géologie, on pourrait aussi citer l'astrophysique, etc. Et puis l'autre chose qui m'intéressait vraiment, mais ça je l'ai déjà dit, c'est que ces gens pensent en termes kuhniens. Et ça, ce n'est pas du tout un exemple isolé. Les scientifiques pensent maintenant en termes kuhniens, s'expriment en termes kuhniens, et l'influence de Kuhn a été telle que très souvent, vous avez maintenant des suggestions théoriques qui sont faites strictement en termes kuhniens, dans un cadre qui est véritablement celui qui a été proposé par Kuhn. Si vous faites bien attention, ce n'est pas totalement kuhnien ce que disent ici Matzinger et collègues, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout, ils n'adhèrent pas à tous les points mis en avant par Kuhn. Mais peu importe, pour l'instant, on y reviendra si vous voulez. Alors, il me semble que cette étude de cas permet de poser un certain nombre de questions, et maintenant je vais me concentrer sur ces questions générales. Je sors de cette étude de cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra y revenir si ça vous intéresse. Les scientifiques sont sans cesse confrontés à l'enjeu qui consiste à prendre des décisions. Il y a tout le temps des décisions qui sont prises en science, et notamment des décisions concernant la meilleure manière de rendre compte des données expérimentales. Donc notamment, le choix entre les théories. Quelle est la meilleure théorie pour rendre compte des données que nous avons sous les yeux, enfin que nous avons à notre disposition, pas sous les yeux au sens de l'œil vierge. Ces décisions sont prises selon des normes. L'influence de Kuhn est telle que de nombreux scientifiques présentent aujourd'hui leur propre questionnement en termes kuhniens. J'en ai montré un exemple il y a quelques instants. Et très souvent, Kuhn est utilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque les scientifiques prétendent renverser un paradigme dominant. C'est très très rare que vous ayez un scientifique qui dise « je vais vous faire un petit article pour dire comment je fais de la science normale ». Évidemment, la science normale étant décrite de manière assez peu laudative par Kuhn, c'est plutôt lorsqu'il s'agit de renverser les paradigmes que les scientifiques s'expriment en termes kuhniens. Je ne connais aucun article en fait, de scientifique qui dit « je fais de la science normale et je vais vous expliquer comment ça fonctionne ». Soit parce que ce n'est pas intéressant, soit parce que c'est peu à l'avantage de la personne qui dirait quelque chose comme ça. Donc, les questions très générales sont les suivantes. Quelles sont ces normes scientifiques qui permettent de prendre des décisions en science, donc ? Est-ce que ces normes font ou non l'objet d'un consensus entre les scientifiques ? Et question qui m'a paru très importante, ces normes sont-elles fixes au cours du temps ? Donc voilà très rapidement les quatre points que je voudrais aborder. Distinction entre deux types de normes. Deuxièmement, les normes scientifiques internes, qui relèvent en fait de ce que Kuhn appelle la science normale. Deuxièmement, qui est dans la troisième partie, les normes scientifiques externes. Ça relève de ce que Kuhn appelle la science révolutionnaire. Et quatrièmement, je poserai la question de l'articulation entre normes scientifiques et degrés de scientificité. Donc ma première partie, c'est une distinction entre deux types de normes en science. Donc je vous rappelle que le problème, c'est celui de savoir quel est le rôle des normes en science et comment ces normes sont construites au cours du temps. Alors la distinction que je soumets à votre regard critique, c'est une distinction au fond assez simple entre normes scientifiques internes et normes scientifiques externes. Alors attention, normes scientifiques externes ne veut pas dire externe à la science. Ça va vouloir dire principalement externe à un paradigme. Donc je m'explique. Les normes scientifiques internes sont les normes, ce qu'on peut appeler les normes en science. Les normes internes à un paradigme. Les normes de ce que Kuhn appelle la science normale. Autrement dit, ce sont les normes sur lesquelles s'appuient les scientifiques pour effectuer leur travail quotidien. Donc si vous allez dans un laboratoire, quelles sont les normes qui sont pratiquées quotidiennement par les scientifiques ? C'est ça les normes internes. Les normes scientifiques externes, je redis qu'elles ne sont pas extérieures à la science, mais elles sont des normes de niveau supérieur. Ce sont des normes de la science, des métanormes, si on veut reprendre un vocabulaire quasi juridique kelsénien, c'est-à-dire l'idée que vous avez un niveau de normes et puis un niveau supérieur de normes. Ce sont les normes qui interviennent lors des changements de paradigme, lors des révolutions. Ce sont autrement dit les normes sur lesquelles les scientifiques s'appuient lorsqu'il convient de choisir entre deux paradigmes concurrents. Donc ces deux types de normes, et vous allez voir qu'il y a évidemment des interactions entre les deux, et vous allez voir aussi qu'on pourrait aussi se poser la question de savoir quelle est l'influence des normes non scientifiques sur la science. Mais là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la question de la distinction entre normes internes et normes externes. Donc cette distinction permet de poser deux problèmes distincts. Premièrement, comment appliquer les normes relatives à un cadre d'interprétation dominant, c'est-à-dire comment appliquer les normes relatives à un paradigme, comment on fait pour appliquer les normes internes. Et là, on va voir que cette question, c'est surtout une question qui s'adresse aux scientifiques. Un scientifique chaque jour, comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'elle fait pour appliquer ces normes et produire un travail scientifique efficace ? La la mesure principale de la réussite d'un travail scientifique dans le cadre de la science normale étant véritablement son efficacité. Est-ce que ça produit quelque chose ou pas? Et puis, il y a une deuxième question. Quelles normes peuvent permettre de renverser un cadre d'interprétation dominant? À l'aune de quelles normes peut-on dire finalement ce qu'on faisait avant, c'était pas bon ou c'était pas satisfaisant? On peut faire mieux. Et donc, on peut proposer un autre paradigme pour faire mieux. Alors, j'ai fait un petit schéma pour expliquer ça, même si l'idée est extrêmement simple. C'est le schéma kuhnien du changement scientifique qui consiste en les étapes souvent identifiées ou couramment identifiées, et puis donc mes deux niveaux de normes placés là-dedans. Je sais pas si vous voyez bien. La première étape, c'est la science pré-paradigmatique. Donc, c'est une discipline qui n'est pas encore capable d'élaborer un fort consensus scientifique. Et ça, typiquement, c'est selon Kuhn le cas des sciences humaines et sociales. Donc les sciences humaines et sociales sont massivement là, sinon toutes là. Les sciences normales, j'essaierai de montrer pourquoi ça me paraît totalement faux, mais voilà ce que Kuhn dit à plusieurs reprises. Deuxième étape, la science normale. La science normale, c'est la science dominée par un paradigme. La meilleure manière de la comprendre, c'est de dire que c'est de la science hautement consensuelle. Elle fonctionne en grande partie par un endoctrinement. Et puis, au sein de ce paradigme, au sein de cette manière dominante de faire de la science et consensuelle, eh bien, on a des normes internes. Donc, c'est ça mon premier niveau de normes, ce sont les normes internes au paradigme. Et qu'est-ce qu'on fait dans la science normale? On résout des énigmes, on résout des puzzles, dit Kuhn. Donc, on résout des séries d'énigmes au sein de la science normale. Lorsqu'on a une accumulation critique d'anomalies, nous dit Kuhn, il y a une crise scientifique. Et lorsque... au bout d'un moment dans cette crise scientifique, un nouveau paradigme émerge, on a une concurrence entre ces deux paradigmes, et lorsque ce deuxième paradigme, en tout cas un des deux paradigmes, finit par s'imposer, on a une révolution scientifique. Donc soit un premier paradigme qui a été suffisamment changé pour que ça vaille comme un nouveau paradigme, soit véritablement un paradigme concurrent, ou en tout cas une conception concurrente, qui va devenir à son tour paradigmatique. Et puis de nouveau, vous passez à la science normale. D'accord ? Donc vous avez ce cycle de passage science pré-paradigmatique. En fait, une fois que vous avez passé le cap, normalement, vous entrez dans la science normale. Donc, si vous prenez la physique, par exemple, la physique passe de science normale à crise, à révolution, à science normale, à crise, à révolution, etc., etc., etc. Et donc, vous avez ces normes internes, c'est mon niveau 1 ici, et puis vous avez les normes de niveau supérieur. Je suggère que ces normes de niveau supérieur, en fait, interviennent à toutes les étapes de la construction scientifique, de la dynamique de la science. Mais il est clair que le moment où elles sont les plus présentes, où elles sont les plus discutées, c'est à ce moment-là, au moment de la crise et de la révolution scientifique. Qu'est-ce qui va nous permettre de choisir entre deux paradigmes? Au nom de quelles normes peut-on choisir entre deux paradigmes? Et est-ce que c'est seulement possible? Définition et précision. Ce que j'entends par norme, évidemment, c'est le genre de terme qu'on n'aime pas définir, mais parce que c'est trop large, parce que c'est très compliqué, parce que ça s'applique aussi bien au droit qu'à la morale, qu'à la science, etc. Mais juste une idée générale de ce que ça peut être, c'est un idéal régulateur de comportement. La norme est à la fois descriptive, elle dit comment les gens se comportent dans une communauté, et régulatrice, c'est-à-dire qu'elle dit comment les gens doivent se comporter dans une communauté. Et ça fonctionne très très bien en science, ce double mouvement de description et de régulation. Et donc elle est propre à une communauté, ici en l'occurrence une communauté scientifique. Alors c'est évident, mais je le dis quand même, il n'est pas du tout question dans ma présentation de parler des sciences des normes, mais seulement d'expliciter les normes de la science. Je ne m'intéresse pas à toutes les sciences des normes qui sont extrêmement riches et complexes. Je mets aussi de côté un point qui est vraiment la tarte à la crème de l'agrégation de philosophie, c'est la ou les. Est-ce que quand on dit la science, on ne veut pas en vrai dire les sciences? C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours agacé. C'est, vous pouvez construire toutes vos dissertations comme ça. Est-ce que vous voulez dire vraiment la morale ou les morales? Est-ce que vous voulez dire... bon, non, évidemment que ce qu'on fait toujours en philosophie, c'est d'essayer de trouver l'unité d'une hétérogénéité. Quand on parle de la science, on prétend qu'il y a des critères qui nous permettent de dire que plusieurs choses sont des sciences en dépit de leur hétérogénéité. Donc bien sûr, je vais parler des sciences dans leur diversité, un peu de biologie, un peu de physique, un peu de sciences humaines et sociales, et l'idée c'est d'essayer de voir justement ce qui cimente ces différentes sciences, dans leurs différentes pratiques, etc., autour d'une même notion. Alors si on veut, on peut dire qu'on ne peut pas appeler ça des sciences, mais il me semble que ça ne sert à rien de critiquer l'idée qu'il y aurait la science. Je vais me concentrer ici sur les sciences empiriques, pas sur les sciences formelles, mathématiques, logiques, etc. Julie en particulier a posé plusieurs questions très intéressantes sur les sciences formelles, mais je les laisserai de côté, d'une part parce que ce n'est pas l'objet de Kuhn, d'autre part parce que je connais ça beaucoup moins bien, donc si jamais il y a des questions sur ça, on pourra essayer de voir comment démêler, mais je ne suis pas sûr, en tout cas moi, d'avoir la compétence pour répondre à ces questions-là. Je précise, et j'en redirai un mot dans quelques instants, que certaines sciences humaines et sociales sont des sciences empiriques. Pour moi, c'est très très clair, j'essaierai d'expliquer pourquoi. Donc quand je parle de science empirique, je ne veux pas dire qu'il y aurait d'un côté les sciences formelles, de l'autre les sciences empiriques et enfin les SHS. Je veux dire que dans les sciences empiriques, il y a une bonne partie des SHS. Alors une chose qui me semble intéressante lorsqu'on réfléchit à l'interaction entre sciences humaines et sociales et sciences dites de la nature, c'est que Kuhn a fait quelque chose de vraiment assez fort. C'est que lui-même est physicien. On lui demande à Harvard de faire un cours d'histoire des sciences, et quand il fait ce cours d'histoire des sciences, il subit une révolution psychologique, et il se dit, mais c'est incroyable, je me rends compte que, en fait, la science du passé n'est pas erronée, elle n'est pas fausse, elle n'est pas moins bonne, elle n'est pas moins scientifique que la science d'aujourd'hui. Et donc, il a une prise de conscience sur la base de son approche, qui est donc fondée sur une découverte, en fait, des outils historiques. Il se rend compte que l'histoire est un outil extrêmement puissant pour comprendre la science. En ce sens, on peut dire que Kuhn a utilisé des outils qui viennent des SHS, essentiellement l'histoire et un petit peu de sociologie, pour proposer une conception révolutionnaire de la science. En tout cas, c'est ça son idée. Il dit en fait, comme vous l'avez vu, si on s'intéresse à l'histoire des sciences avec des bons outils d'historien, on va révolutionner la conception de l'histoire des sciences qu'on se fait habituellement, et on va aussi révolutionner la conception de la science. On va changer l'idée même de ce que c'est la science. Donc ça donne une nouvelle conception de la science. Et il me semble que donc ce que fait Kuhn, c'est cette flèche-là. Il applique des méthodes de SHS aux sciences de la nature. Et il me semble qu'il peut être intéressant de voir quelle est la nouvelle conception de la science que Kuhn propose à propos des sciences de la nature, parce que c'est vraiment ça son objet. Mais ça peut être intéressant pour nous de voir si cette conception des sciences de la nature fait retour vers les SHS. Est-ce que la nouvelle conception de la science qui est proposée par Kuhn peut être appliquée aux SHS? Et qu'est-ce qu'elle donne en SHS, en sciences humaines et sociales? Et ça pose bien sûr la question dite parfois de la science de la science, c'est-à-dire la question de savoir quelles analyses scientifiques on peut proposer de ce phénomène humain qu'est la science. Donc, par exemple, Bourdieu a écrit un « Science de la science et réflexivité » qui pose ce genre de questions. Donc, j'ai fait ma distinction entre deux types de normes, internes et externes, internes au paradigme et puis, disons, transparadigmatiques. Deuxièmement, les normes scientifiques internes, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, beaucoup de choses ont été dites par mon prédécesseur, ce qui va me permettre d'aller assez vite sur la science normale, c'est la science qui est dominée par un paradigme. Donc c'est vraiment la science qui est construite dans des normes. Elle caractérise une communauté de scientifiques. Comme vous l'avez vu dans la postface, Kuhn dit qu'en fait, il faut d'abord définir une communauté scientifique pour ensuite définir un paradigme. Alors que dans le livre de 1962, il fait comme si les deux idées étaient finalement interchangeables et du coup, ça crée une sorte de cercle vicieux. Alors il y a, comme ça a été signalé, en fait c'est Madame Masterman qui a compté 22 sens différents de paradigmes dans la structure de la révolution scientifique, donc ça c'est mentionné dans la postface si vous l'avez lu, et ces 22 sens, Kuhn dit, bon elle est très gentille Madame Masterman parce qu'elle a fait un compte-rendu très gentil de mon livre, mais quand même 22 sens elle exagère un tout petit peu, en gros il y a deux grandes catégories de sens, et Kuhn admet qu'il y a, il y a des glissements relativement à cette ambiguïté donc, entre deux termes. Alors le paradigme au sens large, c'est une manière de faire la science et c'est une vision du monde. C'est-à-dire que c'est une manière de très pratiquement faire la science, faire les expériences, voir des mouvements sur un écran, etc. Tout ça, c'est une manière de faire de la science, une pratique de la science, mais c'est aussi corrélativement une métaphysique, c'est aussi une ontologie. C'est-à-dire que c'est une manière de comprendre ce qu'on appelle parfois le mobilier du monde. Quand vous adhérez à une théorie scientifique, vous dites... Probablement, dans le monde, il y a des électrons, il y a des champs, il y a, etc., etc. Si vous croyez à la théorie génétique, vous pensez que les gènes, il y a quelque chose comme des gènes dans le monde. Donc, Kuhn est très attentif à cette idée. Alors, le paradigme au sens large, c'est ce qu'il appelle en 1969, dans la postface, une matrice disciplinaire. Le paradigme au sens étroit, c'est un exemple qui sert de modèle. Ça peut être ce modèle, en fait, à... Un rôle véritablement moteur dans la suite de la science, comme ça a été dit par mon prédécesseur, un rôle présent et futur, c'est-à-dire c'est à la fois un modèle pour tout de suite et un modèle pour l'avenir, pour les générations à venir. Ça peut être une équation, comme F égale MA, ça peut être une expérience, comme les poids de Mendel, qui ont été un petit peu occultés pendant très longtemps, puis tout d'un coup sont devenus vraiment une expérience modèle qui a été réitérée, etc., etc. Alors Kuhn nous dit que le sens le plus intéressant, c'est le paradigme au sens étroit. En fait, toute sa vie, Kuhn a encore joué sur l'ambiguïté entre les deux termes. Jamais, et là, on ne peut pas dire qu'à partir de 1969, il s'en serait tenu au sens étroit. En fait, il a continué à jouer sur les deux sens du terme. Le paradigme, vous le voyez, c'est à la fois le produit d'un consensus et quelque chose qui génère du consensus. Le paradigme génère ses propres normes scientifiques et notamment ses propres normes de justification. C'est-à-dire que c'est seulement au sein d'un paradigme que vous allez pouvoir dire ce qu'est une bonne preuve scientifique, ce qu'est un bon argument scientifique. Ça, c'est extrêmement fort, hein, puisque bien sûr, ça va nous orienter vers l'idée d'incommensurabilité. Au sein d'un paradigme, donc dans la science normale, il y a accord sur les problèmes, accord sur la manière de les aborder, accord sur le type de réponse qu'on peut apporter. Et c'est pour ça que Kuhn appelle ça la résolution d'énigmes au sens de puzzle. C'est-à-dire qu'on a des règles du jeu partagées dans une communauté scientifique, et ce qu'on fait en gros, c'est qu'on résout des puzzles. Et Kuhn est très clair sur le fait que les puzzles, ça peut être très difficile, hein, même vous, si on vous donne un puzzle de 50 000 pièces, vous allez avoir un petit peu de mal à le faire. Mais vous savez comment on va faire. Vous savez que vous allez réussir à le faire. Ça va vous prendre du temps, mais vous allez réussir à le faire. Hein, vous connaissez la méthode. En gros, il va falloir trouver des choses qui sont en adéquation avec d'autres choses. C'est-à-dire que la résolution des énigmes, nous dit Kuhn, c'est pas très difficile en fait. C'est la science qui fonctionne bien. Ça peut prendre du temps, on peut être plus ou moins bon pour faire ça. Mais en gros, on sait comment ça va fonctionner. Et ça, c'est parce que c'est justement extrêmement consensuel, extrêmement normé. Et en gros, il va falloir être le plus rapide pour faire quelque chose. Mais ça va pas être si dur que ça de réaliser cette chose. L'apprentissage des normes internes au paradigme se fait par un véritable endoctrinement, comme ça a été, là encore, très bien expliqué par mon prédécesseur. Donc les étudiants d'une science donnée apprennent le paradigme dominant à travers un enseignement que Kuhn décrit comme un véritable endoctrinement. Je pense que Kuhn a été un tout petit peu traumatisé par les manuels de physique qu'il a beaucoup pratiqués, parce qu'il en parle vraiment très très très souvent en des termes. Lorsqu'on vient de la philosophie ou des sciences humaines et sociales en général, on est un peu surpris de voir la violence de son propos sur la question. Dans cet endoctrinement, donc, les manuels scientifiques jouent un rôle essentiel. Ils proposent une histoire biaisée de la science. Hein. Kuhn insiste beaucoup sur le fait que dans tous les manuels, vous avez en gros 6 ou 7 pages d'histoire de la science au début. C'est vrai, c'est très frappant. Vous prenez un manuel de physique et en 6 pages, on vous raconte des Grecs à nos jours, comment on peut résumer la physique qui a enfin atteint son paroxysme dans la physique quantique actuelle et dans ses nouvelles formes aujourd'hui. C'est très vrai que ça fonctionne comme ça, et c'est très vrai que c'est une histoire des sciences insatisfaisante, mais comment faire autrement? Enfin, c'est difficile de reprocher ça, me semble-t-il, à un manuel scientifique. Une présentation partielle des données, répétition d'exercices pour que l'étudiant se pénètre bien des idées dominantes, avec l'idée que, véritablement, il faut créer cet effet d'endoctrinement. Donc cet apprentissage par endoctrinement est, notamment et peut-être surtout, l'apprentissage d'une vision du monde. Ça rejoint l'analogie avec la psychologie de la forme. On peut voir telle ou telle forme, l'idée c'est véritablement de faire en sorte que le scientifique, une fois dans la pratique du laboratoire, va vraiment tout de suite voir ce qu'il faut voir, tout de suite comprendre les problèmes, comme on doit comprendre les problèmes. Alors c'est une formule qui restait célèbre, la science normale, dit Kuhn, force la nature à entrer dans les boîtes conceptuelles qu'elle propose. Je cite, « La recherche réelle ne commence guère avant qu'un groupe scientifique estime qu'il est en possession de réponses solides à des questions telles que « Quelles sont les entités fondamentales dont l'univers est composé ?» Donc vous voyez, l'accord sur une ontologie, c'est fondamental pour qu'on puisse faire de la science normale. Comment réagissent-elles entre elles et agissent-elles sur les sens? Quelles questions peut-on légitimement se poser sur de telles entités et quelles techniques employer pour chercher des solutions? Pour les sciences pleinement développées tout au moins, des réponses ou des substituts de réponses aux questions de ce genre sont fermement intégrées à l'initiation qui prépare l'étudiant et lui donne accès à la pratique professionnelle. C'est parce que cette éducation est à la fois rigoureuse et rigide que ces réponses en arrivent à avoir une emprise profonde sur l'esprit des scientifiques. Et cette emprise est une des grandes raisons de l'efficacité particulière de l'activité normale de recherche et de la direction dans laquelle elle se développe à tel moment donné. Lorsque nous étudierons la science normale, nous en arriverons finalement à décrire cette recherche comme une tentative opiniâtre et menée avec dévouement pour forcer la nature à se ranger dans les boîtes conceptuelles fournies par la formation professionnelle. Dans le chapitre 2, page 46 de l'édition française, Kuhn reparle de la science normale en des termes identiques. Il parle d'une tentative pour forcer la nature à se couler dans la boîte préformée et inflexible que fournit le paradigme. Vous voyez une description assez peu, positive de ce qu'on fait dans la science normale et ce qu'on fait lorsqu'on endoctrine nos étudiants pour qu'ils fassent de la bonne science. Ceci conduit à l'idée que la science est hautement conservatrice, d'après Thomas Kuhn. La science normale se caractérise par un haut niveau de conservatisme. Dans la science normale, il ne faut pas remettre en question les fondamentaux. Il ne faut pas remettre en question les bases les plus essentielles du paradigme. La science normale n'a jamais pour but de mettre en lumière des phénomènes d'un genre nouveau. Ce qui ne cadre pas avec la boîte passe même souvent inaperçu. En gros, on les met sous le tapis. Les scientifiques n'ont pas non plus pour but, normalement, d'inventer de nouvelles théories. Et ils sont souvent intolérants envers celles qu'inventent les autres. Donc le très très fort conservatisme vis-à-vis des données, vis-à-vis des théories, etc., des scientifiques qui sont dans la science normale. Alors, il faut voir que Thomas Kuhn répond presque à chaque ligne aux affirmations de Karl Popper. C'est vraiment un ennemi de Karl Popper. Il le cite très peu, mais il le critique tout le temps. avec l'idée que Karl Popper serait l'exemple paradigmatique, si je puis dire, d'un philosophe des sciences. C'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, n'a pas de pratique de la science. C'est juste quelqu'un qui veut nous expliquer ce que devrait être la science. Et Thomas Kuhn dit, c'est pas comme ça qu'on analyse la science. Pour analyser la science, on va voir les sciences et on les analyse de manière historique, sociologique. Et là, on peut faire un discours intéressant sur les sciences. Mais nous donner des normes prescriptives sur ce que doit être la science, comme le fait Karl Popper, c'est pas très intéressant parce qu'en réalité, les choses ne se passent pas comme il le dit. Alors, le falsificationnisme de Popper, c'est l'idée très simple selon laquelle vous avez véritablement une science, vous êtes véritablement dans le domaine de la science lorsque vous avez des théories hautement falsifiables. Hein, c'est-à-dire que vous faites vraiment de la science lorsque vous donnez les moyens à tout le monde de critiquer votre propre théorie. Et même vous-même, votre principale activité chaque jour, c'est de casser vos propres théories. Kuhn dit que c'est bien gentil, mais que ça ne se passe pas du tout comme ça en pratique. Hein, au contraire, les gens veulent colmater leur théorie et dire ça va tenir quoi qu'il arrive. Alors, c'est intéressant parce que Kuhn oscille entre une approbation de ce conservatisme. Il dit que c'est formidablement efficace. Hein, c'est comme ça qu'on fait de la vraie science, de la bonne science. Et puis, souvent, il critique quand même ce conservatisme. L'exemple de l'endoctrinement étant un des exemples clés où on voit que Kuhn n'est quand même pas si positif à l'endroit de cette manière de faire de la science. Mais il dit que c'est vraiment comme ça qu'on fait de la science normale. Conclusion sur les normes internes. La science normale est régie par des normes, c'est-à-dire par des conceptions consensuelles quant à la manière de faire avancer au mieux un domaine scientifique donné. Et la science normale génère des normes mineures qui confortent le paradigme. Ces normes sont très diverses, elles peuvent être d'ordre théorique, d'ordre pratique, ça c'est le coup de main. Vous avez par exemple des scientifiques qui sont très recherchés dans les laboratoires parce qu'ils savent bien faire quelque chose, ils savent bien, par exemple, manier les instruments. Ils peuvent être extrêmement recherchés, on peut leur proposer des salaires mirobolants pour traverser le monde parce qu'ils savent faire marcher une machinerie qui n'est pas si facile que ça à faire marcher. Ça peut être des normes d'ordre méthodologique, des normes d'ordre analogique. Kuhn parle beaucoup de ça lorsqu'il utilise le sens étroit du paradigme. En fait, le sens étroit du paradigme, ça consiste à avoir donc un paradigme qui fonctionne comme un exemple, par exemple l'équation F égale MA. Si vous avez un bon esprit analogique, vous allez pouvoir voir que F égale MA, ça s'applique à des nouveaux territoires. C'est en fait une équation très puissante que vous pouvez appliquer à des nouveaux territoires. Et Kuhn insiste beaucoup sur le fait que certains scientifiques ont très bien intégré des normes analogiques, qui sont capables d'appliquer quelque chose à un nouveau domaine. Ça peut être également des normes métaphysiques. Kuhn insiste beaucoup sur ça. La science normale est principalement une application des normes de normes, c'est-à-dire une application des normes étroites qui sont propres au paradigme d'un domaine scientifique. C'est donc un travail conservateur, relativement facile et formidablement efficace. Je passe maintenant aux normes externes, qui relèvent plutôt de la science révolutionnaire. Donc je rappelle dans mon schéma, il s'agit des normes de niveau supérieur, alors que tout ce que je viens de dire concernait les normes internes au paradigme, les normes de niveau 1, si vous voulez. Donc là, on passe aux normes de niveau 2, les normes de niveau supérieur. Et donc, les normes externes, comme je l'ai dit, ce sont plutôt les normes de la science, des métanormes, qui interviennent lors des changements de paradigme. Alors, le problème, c'est que, étant donné que vous avez lu la postface, que vous avez entendu mon prédécesseur, vous devez vous dire, ça semble un projet étonnant. Est-ce qu'on peut véritablement dire qu'il existe des normes externes? Kuhn est très célèbre pour sa thèse de l'incommensurabilité des paradigmes. Thèse qui semble tout simplement rendre invalide, sinon absurde, l'idée de chercher des normes externes, telles que je viens de les décrire, hein, des normes qui seraient transparadigmatiques, pour reprendre cette expression assez peu jolie que j'ai employée tout à l'heure. Alors on dit souvent que Kuhn aurait détruit la vision philosophique naïve des positivistes logiques qui, eux, insistaient sur l'existence de normes scientifiques externes. Sa thèse de l'incommensurabilité ruinerait une telle prétention. Alors il est vrai que dans le positivisme logique, toute une série de normes pour le choix interthéorique, c'est-à-dire pour le choix entre théories, a été proposée. Et également, il est vrai que les positivistes logiques avaient une vision de l'unification des sciences par le réductionnisme. C'est-à-dire que l'avancée de la science, ça serait que petit à petit, vous proposez une théorie plus forte, plus englobante, qui va inclure les théories d'avant. Hein, donc vous aviez une théorie, et puis vous avez une théorie qui vient englober votre théorie précédente. Et ça, ça va très bien dans le sens d'un progrès de la science. Alors, je n'insisterai pas sur le fait que les thèses du positivisme logique me semblent un peu plus complexes que ce qu'en dit Kuhn, mais ça, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'essayer de défendre cette idée que je vous soumets, c'est que je pense que la thèse de l'incommensurabilité des paradigmes n'invalide pas la thèse de l'existence de normes scientifiques externes. Elle montre plutôt la complexité de l'application de ces normes. C'est ça que je vais essayer de défendre. Alors, avant de défendre ça, je rappelle qu'il y a, ou j'annonce plutôt, qu'il y a trois caractérisations fréquentes de l'incommensurabilité des paradigmes. D'abord, qu'est-ce que l'incommensurabilité? Ça a déjà été dit en détail. c'est l'affirmation selon laquelle il est impossible de comparer parfaitement deux paradigmes concurrents de manière à montrer quel est le meilleur. On n'a pas d'étalon de mesure, on n'a pas de critères extérieurs, suggère Kuhn, pour dire que le paradigme ptoléméen est moins bon que le paradigme copernicien. Alors, on parle parfois plusieurs caractérisations de l'incommensurabilité, plusieurs formes d'incommensurabilité. L'incommensurabilité méthodologique consiste à dire qu'il existe des standards de preuve et d'arguments différents entre deux paradigmes. On n'utilise pas les mêmes preuves et les mêmes arguments entre deux paradigmes, donc forcément, c'est difficile de dire quel est le meilleur, puisqu'on n'utilise pas les mêmes outils argumentatifs. Deuxièmement, l'incommensurabilité peut être perceptuelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choix sur la base d'observations neutres, toute observation étant dépendante d'une théorie. Vous ne pouvez pas dire « j'ai deux théories, heureusement, on va avoir une observation qui va nous dire que T2 est meilleur que T1 ». En fait, les observations étant construites dans une théorie, c'est très difficile, voire impossible, de trouver une observation qui va vous permettre de dire de manière certaine qu'une théorie est meilleure qu'une autre. Et puis, elle peut être sémantique, cette incommensurabilité. C'est-à-dire que les partisans de deux paradigmes distincts, nous dit Kuhn, ne parlent pas le même langage. Quand ils utilisent les mêmes termes, ils ne veulent pas dire la même chose. Le terme « force » ne veut pas dire la même chose dans différents paradigmes. Par exemple, chez Newton et chez Einstein. Alors, peut-on quand même parler de sciences externes, de normes externes en sciences, pardon. Ma question revient. Est-ce qu'on peut véritablement parler de ces métanormes, de ces normes de niveau supérieur, une fois qu'on a affirmé ainsi la thèse de l'incommensurabilité telle que Kuhn la propose ? Je pense que oui, et je pense qu'on peut même le faire dans le cadre kuhnien. Je pense que Kuhn croit à ces normes externes que je vais décrire à présent. C'est ça que je vais essayer de défendre. Je signale très rapidement qu'il existe un Kuhn radical. Ce Kuhn radical est très ambigu. Je pense que ce n'est pas le bon Kuhn, c'est une appréciation personnelle. Mais je pense que Kuhn nous a donné de nombreux éléments pour montrer que ce qu'il pense véritablement est une, à propos de la science, relève d'une conception très originale de la science, mais beaucoup moins radicale, beaucoup moins rebelle que beaucoup n'ont voulu le croire. Et Kuhn a passé une bonne partie des dernières années de sa vie à dire « calmez-vous, mes fidèles ». Il y avait des gens qui vraiment écrivaient de manière kuhnienne, et il a dit « bon, attention, moi, ce n'est pas exactement ça que je dis ». Je pense que ce Kuhn-là est le plus intéressant, en fait. Alors, les normes externes chez Kuhn, les valeurs de la science. Là, je m'appuie sur un texte de 1973, qui est une conférence, « Objectivité, jugement de valeur et choix d'une théorie », qui est paru dans l'ouvrage « L'attention essentielle », qui est lui-même, je crois, paru en 1977. Ce texte est relativement proche du petit passage sur les valeurs que vous avez lu dans la postface de 1969. Ces deux textes, celui de 1973 et la postface, ont été écrits par Kuhn en grande partie pour répondre à l'accusation d'irrationalité et de relativisme qui avait été formulée à son endroit. Il a dû se battre contre les critiques qui avaient été formulées par Lacatoche, par exemple, et d'autres sur sa conception qui serait relativiste et irrationnelle, ou qui mettrait l'irrationalité au cœur de la science, plus exactement. Alors Kuhn propose un certain nombre de valeurs qui, d'après lui, sont des valeurs puissantes, transversales, en science. Et il dit, en fait, je vais être extrêmement classique sur ces valeurs, excusez-moi, j'aurais dû dire dans la structure de la révolution scientifique que je croyais à ces valeurs, mais en fait, j'ai préféré m'intéresser aux points sur lesquels je croyais être très original, plutôt que m'intéresser aux points sur lesquels j'étais consensuel. Alors il a sans doute raison que c'est plus intéressant dans un livre de dire ce qui est original pardon, que de dire ce qui est consensuel, mais en fait, ça aurait été important qu'il nous dise quelles étaient ses valeurs et pourquoi il y croyait, parce que ça a créé une partie de l'ambiguïté dont je vais parler. Alors ces normes externes sont, ce qu'il appelle des valeurs, sont l'exactitude, l'adéquation expérimentale principalement, mais pas seulement, la cohérence interne, ça veut dire est-ce qu'une théorie qui est proposée va avoir une forte cohérence entre ces éléments constitutifs internes. Et puis la cohérence externe, ça va être quelle est la cohérence d'une théorie avec d'autres théories qui sont admises. Si vous avez une forte tension entre une autre théorie admise dans le même champ ou dans d'autres champs, ça va être plus difficile d'accepter cette théorie. L'envergure, ça veut dire qu'une théorie doit proposer des conséquences allant au-delà des observations qui ont conduit à son élaboration. La simplicité, une bonne théorie doit unifier des phénomènes qui sans cela sembleraient hétérogènes. Et la fécondité, une bonne théorie doit engendrer de nouvelles découvertes. Alors, les normes externes proposées par Kuhn sont hautement consensuelles. C'est une thèse classique, comme Kuhn le dit lui-même. Les normes qu'il mentionne sont d'ailleurs exactement les mêmes que celles qui sont mises en avant par les positivistes logiques. Donc là, vous voyez, on a un point de fort accord. Dans l'ensemble, ces normes me semblent susciter un consensus très fort en sciences, en sociologie des sciences, en histoire des sciences, en philosophie des sciences. C'est pour ça que j'y insiste. Alors néanmoins, ces normes ne peuvent pas être appliquées de manière simple et unilatérale. C'est là que Kuhn réinvestit un certain nombre d'affirmations qu'il avait proposées sur l'incommensurabilité. Il y a deux difficultés dans la manière d'appliquer ces normes. Premièrement, ces normes sont toujours adaptées par chaque individu. C'est ce que Kuhn appelle l'idiosyncrasie, mais aussi par chaque communauté. C'est-à-dire que les différentes normes que je viens de mentionner sont en fait interprétées différemment par différents individus et par différentes communautés. Vous n'allez pas vouloir dire exactement la même chose par exactitude, envergure, selon la personne que vous êtes, le scientifique que vous êtes, la communauté à laquelle vous appartenez. Donc ça fait un effet de difficulté d'échange qui est mentionné par Kuhn. Deuxièmement, et c'est le plus intéressant je crois, c'est que ces normes sont indépendamment très intéressantes et très satisfaisantes, mais c'est très très difficile de les défendre ensemble. En fait, très souvent, elles entrent en conflit. Par exemple, Kuhn montre que exactitude et simplicité entrent souvent en conflit. Vous voulez absolument être exact quantitativement, et en même temps, vous voulez unifier un grand nombre de phénomènes. Bah, souvent, vous devez choisir entre les deux. Vous allez avoir une difficulté à avoir un score important à la fois pour l'exactitude et pour la simplicité. Et il donne d'autres exemples de ça. Autrement dit, chaque individu, chaque sous-communauté, mais surtout finalement chaque époque, va prendre des décisions scientifiques majeures sur la base d'un certain arrangement de ces normes, une certaine proportion entre chacune de ces normes, une certaine alchimie entre ces différentes normes. Alors, en dépit de ce que je viens de dire, il me semble que se dessine ainsi un Kuhn assagi. L'affirmation par Kuhn de l'existence de ces normes externes montre qu'il faut se méfier du radicalisme apparent de certaines des affirmations de Kuhn en 1962. C'est en raison de ces normes externes que je viens de mentionner que Kuhn croit au progrès scientifique. C'est ce qu'il affirme très clairement, ou plutôt, c'est ce qu'il affirme dans la postface de 1969. Il n'a jamais été très clair sur ça, mais il me semble que c'est en raison de ces normes externes que finalement il dit qu'il y a bien un progrès scientifique. Et c'est aussi en raison de ces normes externes qu'il croit à l'unité et à la spécificité de la science par rapport à d'autres domaines du savoir. Si vous regardez par exemple dans la postface, il utilise cette métaphore de l'arbre de la connaissance pour parler du progrès des sciences. Et c'est là qu'il dit que, même s'il croit à l'incommensurabilité, il y a quand même un progrès des sciences. J'y reviendrai si ce n'est pas totalement clair. Mais en tout cas, c'est au nom de ces normes externes, je le crois, qu'il suggère que ce progrès scientifique existe. Alors, est-ce que ces normes externes peuvent changer ? On a vu que les normes internes à un paradigme sont relativement fixes pendant un temps, mais qu'ensuite elles sont susceptibles de changer lorsqu'on a un renversement de paradigme. Mais ces normes externes, qui sont ceux au nom de quoi on va modifier les paradigmes, ceux au nom de quoi on va changer de paradigme, est-ce que ces normes externes elles-mêmes peuvent changer? C'est à mon avis une thèse très stimulante de Kuhn sur laquelle il est dommage qu'il ait finalement peu écrit. C'est l'idée que les normes externes elles-mêmes se modifient au cours du temps, mais à un rythme très lent. C'est une idée qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire que vous auriez une histoire des sciences un peu de l'immédiateté dans un paradigme, et puis vous auriez une histoire des sciences plus épaisse, ça rejoint des choses que vous, historiens, connaissez beaucoup, beaucoup mieux que moi, vous auriez différentes strates de temporalité. Et il y aurait une temporalité, il y aurait une dynamique des normes externes, simplement c'est une dynamique très très lente. Vous pouvez par exemple avoir une modification dans le dosage de la norme d'envergure par rapport à la norme d'exactitude. Ça c'est des choses qui me semblent extrêmement intéressantes. Donc par exemple, dans le texte de 73 que j'ai cité, Kuhn dit que l'exactitude quantitative a pendant très longtemps, en fait jusqu'à la science dite moderne, été peu importante, à part en astronomie. Le seul domaine dans lequel on voulait des mesures quantitatives exactes, des prédictions quantitatives, c'était l'astronomie. Dans tout le reste, y compris des sciences que nous on va considérer vraiment comme des sciences naturelles, expérimentales, etc., le plus important c'était une exactitude qualitative. Et Kuhn a de très belles pages pour expliquer comment, lorsque Lavoisier propose ses analyses, en face de lui, il a des scientifiques qui ne comprennent pas, qui disent « Mais c'est quoi cette histoire d'utiliser des normes quantitatives ? On sait bien qu'en bonne chimie, on utilise du qualitatif, avant tout du qualitatif. » Et en fait, il montre comment ce dialogue est très très difficile et comment Lavoisier réussit à convaincre ses contemporains que ce sont des normes quantitatives qui doivent être appliquées lorsque on pose la question de l'exactitude d'une théorie. On pourrait donner plusieurs exemples en physique et en biologie, c'est un autre exemple où la puissance unificatrice d'une théorie, ce que Kuhn appelle sa simplicité, a joué un rôle plus important que l'exactitude empirique. La théorie de l'évolution pourrait être un très bon exemple de ça. Comme je vois que je parle trop lentement, je ne vais pas vous expliquer ça, mais si vous le souhaitez, je vous expliquerai pourquoi la théorie de l'évolution est caractérisée par ce genre de tension. Conclusion sur les normes externes, ce sont des métanormes transversales aux différents paradigmes. Leur stabilité dans le temps est grande, mais pas absolue. Elle suscite un fort consensus au sein des études sur la science, philo des sciences, histoire des sciences, sociologie des sciences, etc. Leur application réelle au cas de décision entre deux paradigmes repose sur un dosage entre ces différentes normes. C'est, nous dit Kuhn, l'affirmation sur laquelle il n'y a pas d'algorithme de décision, d'algorithme de choix en science. Très rapidement, normes scientifiques et degrés de scientificité. Une question majeure qui m'avait été posée par Yannick et ensuite par l'ensemble des organisateurs de cette session, c'était celle de savoir comment on établit la scientificité d'un domaine du savoir. Qu'est-ce qui fait d'un domaine une science ? Et puis, corrélativement, est-ce qu'on peut vraiment parler de sciences économiques, de sciences politiques ? Est-ce qu'il est normal de créer une section du CNU sur la criminologie en disant que c'est une science ? Toutes ces questions sont des questions qu'on se pose tous quand on fait des sciences sociales et en fait toute science. Alors, chez Popper, c'est le problème de la démarcation. Et il dit que c'est vraiment le problème le plus important de sa vie, hein, dire ce qu'est une science, ce qui n'est pas une science, en particulier ce qu'est une pseudo-science, comme dit Karl Popper. Il est probable qu'il ne faille pas répondre à cette question en termes oui-non. Hein. Science oui, science non. En fait, probablement, on peut établir des degrés de scientificité. En tout cas, c'est une suggestion que je fais ici. Cette question me semble cruciale pour les sciences humaines et sociales. Non pas d'abord pour dire ce que valent les sciences humaines et sociales, ce qui est souvent la question posée. Hein. Est-ce qu'on est des bonnes sciences ? Qu'est-ce qu'on vaut dans la grille des sciences ? C'est pas véritablement ça la question qui est intéressante. C'est plutôt la question de savoir de quelle manière les SHS sont liées aux autres sciences. Sur quel point elles ressemblent aux autres sciences, sur quel point elles sont éloignées de ces autres sciences. Je pense que de nombreuses sciences humaines et sociales constituent de très bons exemples de sciences. Hein, de très bons exemples. Elles ont un bon score de scientificité, si vous voulez, pour le dire de manière un peu simpliste. Et je pense qu'on peut établir cette thèse contre Kuhn lui-même, qui a été, à mon avis, très conservateur sur cette question. Les sciences humaines et sociales sont-elles pré-paradigmatiques ? Oui, dit Kuhn, car on n'y trouve pas le genre de consensus typique des sciences caractérisées par la formulation de paradigmes, comme par exemple la physique. Donc il n'y a pas de paradigme en sciences humaines et sociales. Je pense que c'est une erreur, et je pense que Kuhn est resté très classique sur son rapport à la diversité des sciences. Kuhn a été révolutionnaire concernant l'approche sur les sciences, mais il est resté un physicien. Il est resté quelqu'un qui a considéré que les sciences, c'était la physique. Ces exemples en biologie, je l'ai dit, sont extrêmement rudimentaires. Ces exemples en sciences humaines et sociales sont très rudimentaires, sauf la psychologie, qu'il n'utilise pas en fait pour parler de la psychologie. Il utilise la psychologie pour faire des analogies sur sa propre méthode. Alors il s'intéresse beaucoup à la psychologie de la forme, etc., mais c'est pour défendre ses propres idées. Il y a peu d'analyses de Kuhn sur les sciences humaines et sociales. Le positivisme logique, bien au contraire, a d'excellentes analyses sur les sciences humaines et sociales. Je ne veux pas défendre ici le positivisme logique, je veux simplement signaler que Neurath, par exemple, est un sociologue qui a écrit principalement sur la philosophie de la sociologie. Et ça, c'était une des caractéristiques du cercle de Vienne, de s'intéresser à l'ensemble des sciences. Et Kuhn a cassé ça. Donc ça a été très très dommage pour les études sur la science. Par exemple, je suis sûr que je peux démontrer, ou en tout cas je pense que je peux démontrer, que la théorie de l'agent rationnel en sciences économiques et sociales est un paradigme. C'est vraiment un paradigme. Ça fonctionne très exactement comme quelque chose qui est dominant, quelque chose qui crée des nouvelles recherches, qui est véritablement paradigmatique au double sens employé par Thomas Kuhn. Je suggère que pour caractériser la scientificité, il faut utiliser le couple genèse et destruction du consensus. Popper insiste beaucoup sur le fait que pour définir la science, il faut utiliser le dissensus. C'est-à-dire, vous avez une science quand vous êtes capable d'être en désaccord. Vous avez une science lorsque vous pouvez démontrer que l'autre a tort. Et Kuhn, lui, insiste beaucoup sur le consensus. Vous avez une science lorsque vous pouvez avoir consensus. Hein, c'est pour ça que Kuhn dit que les sciences sociales sont pré-paradigmatiques, c'est qu'elles ne sont même pas capables de faire un consensus. Hein, personne n'est d'accord. Donc, c'est pré-paradigmatique. Ce que je voudrais, c'est associer les deux idées. Il nous faut du consensus et du dissensus pour avoir un haut degré de scientificité. Cette dynamique du consensus-dissensus repose sur les normes externes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Ah, donc, mon idée, c'est que la scientificité repose sur la capacité de nos domaines à créer un consensus, puis à casser ce consensus. Et comment on fait pour casser ce consensus ? C'est en s'appuyant sur les normes externes que j'ai mentionnées tout à l'heure. La science normale, c'est la cristallisation sur une manière particulière et très efficace d'appliquer ces normes externes, générant les normes internes que j'ai décrites tout à l'heure, les normes internes au paradigme. Et ça, c'est l'effet consensus, c'est l'effet Kuhn, si vous voulez. Et puis, la science révolutionnaire, ce sont des problèmes qui apparaissent dans l'application des normes internes, d'où la formulation de nouvelles théories. Et là, on est dans le dissensus, vous avez des anomalies et vous avez des nouvelles théories, c'est-à-dire on n'est pas d'accord. Et l'application des normes externes pour choisir entre elles, ce qui conduit à un nouveau paradigme, et ça crée un nouveau consensus. Ça, c'est l'effet plutôt popérien. Donc le premier effet ici, c'est un effet très kuhnien de consensus. Le deuxième de dissensus, c'est plutôt popérien. Et le troisième de nouveau de consensus, c'est de nouveau kuhnien. Donc c'est la double idée de la science comme critique intersubjective. Ça, c'est très proche de ce que dit Karl Popper. Et la science comme genèse de phase consensuelle, conservatrice et productive. Et ça, c'est proche de Kuhn. Je ne vais pas lire ce texte, mais c'est un texte de Karl Popper qui est très intéressant, qui montre que selon Karl Popper, les sciences humaines et sociales sont des sciences, au même titre que les autres sciences, parce qu'on y pratique l'objectivité comme intersubjectivité. Popper pense que la seule objectivité en science, c'est l'intersubjectivité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectivité en science. La seule chose qui peut compter comme un critère de science, c'est dans quelle mesure on peut dialoguer pour se mettre pas d'accord. Si on réussit à dialoguer pour se mettre pas d'accord, on est dans le domaine de la science. Et ça, c'est une idée maîtresse qui, à mon avis, n'est pas exacte si on se tient à cette idée, si on s'en tient à cette idée, mais elle est cruciale si on l'articule à l'idée, le consensus. Les fondements du dissensus sont les suivants. Ce n'est pas tout dissensus qui fait la preuve de scientificité d'un domaine, sinon l'astrologie, par exemple, sera un très bon domaine scientifique, puisqu'il y a un énorme dissensus en astrologie. Mais les dissensus se focalisant sur les normes que j'ai citées tout à l'heure. Exactitude, cohérence, envergure, simplicité, fécondité. D'où l'idée de degré de scientificité. À l'aune de cette dynamique du consensus-dissensus, on peut distinguer des degrés de scientificité. Sont particulièrement importants l'idée de degré dans les moyens de démontrer le désaccord. C'est ce que je viens de dire, c'est les phases de dissensus. En physique, on a eu le cas récent des neutrinos, je ne développe pas ça, mais vraiment un exemple dans lequel tout de suite on a dit « On a trouvé quelque chose, c'est forcément faux, dites-nous pourquoi c'est faux. » Et la communauté, depuis plusieurs semaines, se demande pourquoi c'est faux. On a eu encore des résultats, je crois, hier ou avant-hier. C'est très dur de savoir pourquoi c'est faux. Mais voyez, ça a été tout de suite présenté comme il faut qu'on comprenne pourquoi là, il y a un désaccord et pourquoi on va trouver, disons, de bons arguments pour dire pourquoi on avait cet écart avec ce qu'on devait trouver. En SHS, de nombreuses théories peuvent fort bien réaliser les normes externes que j'ai mentionnées et permettre un consensus-dissensus. J'ai pris simplement un exemple, la thèse de Durkheim sur le suicide. L'idée de désintégration, que la désintégration sociale est toujours la cause première véritable du suicide, qu'il existe quatre types de suicide, ça a été repris par Baudelot et Establé en 2006 et en partie critiqué. Il me semble que là, on a quelque chose comme une théorie scientifique en un sens très fort. C'est fortement prédictif, c'est unificateur, etc. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut dire qu'on est très exactement dans le genre de dynamique consensus-dissensus que je voulais décrire. Il me semble que d'autres thèses historiques sont susceptibles du même genre de qualité scientifique, si vous voulez, de degré de scientificité, notamment parce que le rapport à la preuve en histoire est extrêmement fort. Il faut se rendre compte, vous historiens, que les archives, par exemple, ont une puissance de scientificité qui est très dure à trouver en physique ou en biologie. C'est très rare qu'on ait l'équivalent de ça. Pensez aux fossiles, par exemple, en biologie. C'est très rare qu'on ait le même degré de certitude avec les fossiles que ce que vous pouvez avoir lorsque vous sortez un document qui dit que la théorie d'un tel est erronée. C'est puissant comme argument de preuve, comme force de preuve. Conclusion. La science est une activité hautement normée à un double niveau, au sein d'une manière de pratiquer une science à une époque donnée, et lorsqu'il s'agit de renverser un paradigme et d'en imposer un nouveau. Il y a dans les deux cas une dynamique de la construction de ces normes, mais avec des temporalités très différentes. La scientificité peut être mesurée à l'aune du critère de puissance à générer un consensus, puis un dissensus, puis de nouveau un consensus. À l'aune de ce critère, de nombreux SHS ont un fort degré de scientificité. L'historicisation et la sociologisation des analyses sur les sciences, telles que proposées par Kuhn par exemple, ont permis de développer une conception plus précise et plus adéquate de la science et de sa dynamique que ce qu'avait pu proposer la seule analyse philosophique. Mais aujourd'hui, la philosophie se saisit à nouveau de ces questions en s'appuyant sur ces analyses historiques et sociologiques, mais sans se réduire à elles. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis désolé d'avoir parlé si longtemps. Vraiment désolé.